grande par la foi, où Jésus mourut pour nous, donnant gloire à sa parole, pour que lui lumière pour nous. Grâce soit rendue par la foi, où Jésus mourut pour nous. Par la foi révélateur, par la foi tous unis. Que Jésus, dans sa parole, donne en grâce notre assurance. Il relève comme dans l'eau passée, tout désir dans sa parole. Sois rendu par la foi, où Jésus mourut pour nous. Par la foi, je levais la terre, par la foi, tous unis. Son esprit dans sa parole, révélant toutes ses promesses. Jésus parle à son Église pour donner l'amour du Père. Gloire soit rendue par la foi, où Jésus.